Alors, bonsoir, bonsoir. Nous sommes jeudi soir, c'est Zoom Écologie. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc voilà, on s'installe tranquillement pendant que l'équipe d'avant, nos copains d'avant s'en vont. Passez une bonne soirée. Non, il n'y a pas de souci, à bientôt. Donc on aurait pu mettre un petit jingle de pub en attendant, mais en fait, bah non, d'abord, parce que sur Fréquence Paris Pluriel, il n'y a pas de pub. Et que ce soir surtout, on va pas quand même mettre de la pub, hein, puisque nous allons parler du mouvement anti-pub. Je vais parler tranquillement, parce qu'on n'est pas pressé non plus, quoi, on a quand même une heure. Alors c'est vrai que quand j'ai vu quelle était la date aujourd'hui, que c'était le 14 février, la Saint-Valentin, je me suis dit faire une émission anti-pub le jour de la Saint-Valentin, c'était pas mal. Donc c'est ce qu'on va faire, fête commerciale parmi les fêtes commerciales. Bon, on va essayer sans casque si vous voulez. Moi, je vais le rester, je vais garder le mien pour être en lien avec la régie. Donc, on va faire les consignes qu'on fait d'habitude en off. On va les faire en on. Il faut essayer de bien parler droit devant le micro. Donc, si je vous fais ce petit geste avec les mains, bah, c'est que vous avez tourné la tête pour parler avec votre voisin et que d'un coup, on ne vous entend plus. Voilà, ce qui est un peu compliqué parce que généralement, on regarde les gens avec qui on parle. Mais c'est un peu ça, voilà. Donc, nous avons autour de la table plusieurs personnes représentant de plusieurs mouvements. Vous donnez vos noms si vous avez envie ou pas, si vous n'avez pas envie. En tout cas, nous avons Résistance à l'agression publicitaire avec Thomas. Alors, bonsoir. je donnais ton nom en fait, Voilà, c'est balancé. Mais moi, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'être anonyme, je suis Thomas. Mais je crois que de manière générale, personne ici n'est anonyme et revendique ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on agit ouvertement. Et nous avons donc deux personnes du collectif des Déboulonneurs. Salut, voilà. Moi c'est Élise. Salut Élise. Et moi c'est Raphaël. Salut Raphaël. Donc voilà, donc ce soir, bon, on a une heure, ça prend du temps, mais en même temps c'est un sujet qui est immense, tellement libre, publicitaire et multiple, et présente partout. qu'est-ce qui vous a amené, chacun, on va faire un petit tour de table, j'aimerais savoir, hein, qu'est-ce qui chacun vous a amené dans des collectifs anti-pub, alors je ne sais pas si c'est un mot que vous réfutez ou que vous embrassez, mais en tout cas dans ces collectifs-là, qu'est-ce qui vous a amené ? Élise, commence peut-être ? Oui, alors qu'est-ce qui m'a amené à rejoindre le collectif des Déboulonneurs ? Alors je dirais que d'abord c'est une prise de conscience, notamment en lisant le livre « Nos logos » de Naomi Klein, qui expliquait en fait comment fonctionne ce système. Et en gros, pour résumer, donc il s'agit de produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la terre en exploitant des ressources naturelles limitées, en exploitant des personnes. Et après, tout au long de son enquête, elle remonte, et on en arrive à la publicité pour vendre ces mêmes produits à l'autre bout du monde. Et du coup, là, je ne pouvais plus voir une enseigne, voir un produit sans repenser à tout ce qui se cache derrière. Et du coup, ça m'a amené à avoir un regard critique sur la publicité et à voir que derrière un papier glacé avec un produit qui nous est présenté comme du rêve et à voir à tout prix, se cache tout un système de destruction et d'exploitation. Et puis ensuite, je me suis intéressée à l'anti-pub, j'ai fait un petit peu le tour du mouvement parisien, où il y a des associations légalistes, comme RAP, les Déboulonneurs, donc ils font des actions illégales, mais légitimes et assumées. Et après, il y a aussi d'autres groupes qui font des actions illégales et non assumées, top secrètes. Voilà. Et donc moi, j'ai choisi de rejoindre les Déboulonneurs parce que la désobéissance civile face à la machine publicitaire me paraissait vraiment l'action qui pouvait correspondre, quoi. Voilà, la désobéissance civile et l'action directe. Okay, très bien. Thomas ? Alors, moi, qu'est-ce qui me fait venir à l'anti-pub ? J'ai envie de dire, c'est de prendre le métro parisien, où il faut quand même savoir que c'est l'endroit dans Paris où il y a le plus de publicité. Hein, rien qu'aller dans le métro, c'est 40 000 faces publicitaires, donc 40 000 panneaux qui sont dans le métro, alors qu'à l'extérieur, on a entre guillemets, que 20 000, rien que dans le métro, il y en a... Non, pardon, j'ai dit 40 000, c'est 60 000, pardon. 40 000, c'est sur les bus. Donc, prendre le métro, en fait, c'est un exercice quotidien qu'on fait tous en tant que parisiens et parisiennes. Et effectivement, on ne peut pas prendre le métro sans être matraqué de messages publicitaires en 4x3, des affiches éclairées, déroulantes. Et depuis une petite dizaine d'années, maintenant, c'est les écrans numériques. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu ça qui a fait le trop-plein, en gros. Il se trouve que quand je suis rentré dans le mouvement anti-pub, il y avait une grosse action de désobéissance civile dans le métro. Où on pouvait descendre jusqu'à 300-400, c'était en 2003-2004, où on a fait 4 actions où le lendemain, on ne pouvait pas ne pas savoir que les antipubes étaient venus. Okay. À savoir qu'on barbouillait tous les panneaux de toutes les stations, station par station, ligne par ligne. Et donc le lendemain, on se retrouvait avec un métro différent. suite à ces actions, on a eu un procès de la RATP et de Metrobus qui nous ont attaqués, qui nous demandaient 1 million d'euros de dommages et intérêts. Il se trouve que moi, avant ça, j'avais déjà un peu réfléchi à la question puisque j'ai fait des études de gestion et que j'ai fait des cours de publicité, de marketing, de communication. Et que donc j'avais effectivement, un peu comme Élise, lu des livres. Donc des livres qui défendaient la publicité, mais d'autres aussi comme Nos Logos, Le Bonheur Conforme ou d'autres livres qui peuvent exister, notamment pour faire mon mémoire pendant mes études de gestion où j'étais déjà très critique de la publicité. Ça m'a pas empêché d'avoir une bonne note, mais j'ai quand même poussé un petit peu la critique plus que le suivisme. Qu'on peut voir sur la publicité où généralement, effectivement, les gens pensent que c'est un sujet anodin parce que c'est fait partie de l'environnement et que en fait, on se rend très vite compte quand on s'intéresse à ça et surtout quand on fait les études de publicité, de communication, que c'est un environnement qui nous façonne et beaucoup plus que ce qu'on pourrait bien croire parce qu'effectivement, d'habitude, on a l'impression qu'on est libre, qu'on a un libre arbitre. Et en fait, non, on a une part de liberté, mais la société de consommation essaye quand même de nous pousser à utiliser notre liberté en tant que consommateur et un peu moins en tant que citoyen. C'est un peu tout ça qui m'a fait venir dans ce milieu-là. On reviendra là-dessus, ouais. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux ? C'est bien que je passe après Thomas, parce que justement, c'est un peu ce qu'il a raconté sur les mouvements anti-pub, de stop pub en 2002-2003, par là. 2, 3, 4, qui ensuite ont débouché sur notre collectif des déboulonneurs. Rap, en revanche, Résistance à l'agression publicitaire existait avant, hein, bien beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais le collectif des déboulonneurs, il est apparu après. Et moi, j'ai jamais milité avant ça. J'ai découvert sur des médias indépendants et sans publicité, justement, tels que Fréquence Paris Pluriel. C'est pas pour faire de la pub, mais... en découvrant le journal La Décroissance, la Bassi J'y suis qui à l'époque était sur France Inter mais qui a dû devenir un média indépendant comme par hasard pendant que France Inter s'est ouvert à la publicité, c'est assez intéressant de le constater. Et donc j'ai découvert Les Déboulonneurs, ça m'a intéressé exactement pour les raisons qu'a dit Élise en définissant le collectif, c'est-à-dire qu'il se trouve juste à la frontière entre des mouvements anti-pub qui soient souterrains, qui soient un peu masqués, qui du coup peuvent pas tellement parler au grand public, parler aux institutions, et des associations telles que Résistance à l'agression publicitaire ou Paysage de France qui du coup sont dans la légalité. Les déboulonneurs, on est juste à la frontière, c'est ça l'intérêt du collectif. Et en 2005, il s'est créé justement suite au mouvement Stop Pub où les condamnations étaient trop lourdes pour pouvoir continuer le mouvement. Okay. Donc voilà. Donc moi, j'ai découvert à sa fondation et ça m'a parlé vraiment très directement. Je pense que parce qu'on est beaucoup chez les déboulonneurs, pas tous, hein, mais il y a comme une sociologie un petit peu moyenne classe, éduquée, un peu bourgeoise peut-être, faut l'avouer, faut le dire. On se pose des questions, on est tous à se prendre la tête beaucoup, c'est vrai, hein, je crois. Élise ne me contredira pas. Et du coup, ce truc-là, ça nous parle et c'est un truc qui nous est un moteur pour nous de se dire on veut agir exactement de la façon qui nous convient, qui nous correspond. C'est-à-dire ni être des chamallows tout mous. Enfin, je dis pas que rap est des chamallows tout mous. C'est un peu ce que tu j'entends. Non, parce que je suis aussi adhérent de rap, évidemment. Okay. J'adore cette association. et en même temps agir concrètement. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que autour des années par la suite, 2009-2010, on a eu des villes qui se sont déclarées libérées de la pub. Alors que bon, en partie, c'est juste, Thomas me le disait juste avant l'émission, c'est juste qu'ils se sont mis à respecter les règles. La règle, ouais, alors que d'habitude, elles ne sont pas respectées. Et à chaque fois, c'est suite à des actions de désobéissance civile, des actions d'anti-pub comme nous, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut des actions comme nous pour que la loi soit respectée. C'est-à-dire que nous, on a une utilité vraiment légale aussi. Et ce qui est intéressant qu'on a remarqué il n'y a pas longtemps, c'est que le premier petit village qui a déclaré publiquement bannir la pollution visuelle, c'est Fort-Calquier, dont le maire qui a banni la pollution visuelle et qui l'a affirmé comme ça dans les médias, c'est Christophe Castaner. Voilà. Donc, on est très content d'être soutenu par le ministre de l'Intérieur, qui est un grand soutien de notre cause et de notre mouvement. Tu sais que ça peut se retourner contre toi, cette fois. Oui, alors, j'adore ça. Non, mais justement, c'est pour ça que je voulais vous avoir tous autour du plateau. C'était aussi pour poser cette question du combat légaliste et du combat à la frontière, voire du combat pas du tout à la frontière, c'est-à-dire on assume, enfin bon, on n'assume pas, mais en tout cas on fait des choses complètement illégales. Qu'est-ce qui te parle, toi, Thomas, dans la version légaliste du combat ? Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, alors moi j'ai un parcours, je suis commencé par la désobéissance civile, okay. Et là maintenant je suis dans le côté légaliste, ouais. Et depuis que je suis dans le côté légaliste, je fais plus d'actions de désobéissance civile, je soutiens toujours les débouleurs quand il y a des actions, bah j'avais leur procès. Oui, on s'est vu au procès. Ouais. Ouais. Mais je veux justement garder cette frontière-là pour pas faire de mélange des genres. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de justement pouvoir pousser de manière légale le plaidoyer en fait au niveau des politiques pour justement que il y ait d'une part que les lois soient respectées comme l'a rappelé Raphaël, bah oui. Mais surtout que les lois aillent beaucoup plus loin dans la restriction. Parce qu'aujourd'hui, il y a un laisser-faire des pouvoirs publics sur la publicité qui est, à notre sens, en tout cas rap, beaucoup trop laxiste. Bien sûr. Si je peux utiliser ce mot-là sur cette antenne. Ouais. Moi, je trouve que on est très complémentaires, en fait, les déboulonneurs et rap. Parce qu'effectivement, les déboulonneurs, ils vont avoir une casquette un peu coup de poing, un peu... ils vont faire des actions qui vont faire beaucoup plus parler que les nôtres, effectivement, parce qu'il y a du procès à la clé, donc il y a tous les journalistes juridiques qui vont se sentir un peu obligés d'y aller, alors que nous, nos actions, on fait des actions un peu ad hoc, donc qui ne sont pas forcément collées à l'actualité, donc c'est très difficile de créer de l'actualité quand on n'a pas une grosse base. Oui, comme, c'est le problème des médias, oui. Et donc, nous, ça nous permet d'une part de les soutenir, et surtout, en fait, moi je trouve ça très bien que pour les déboulonneurs, le fait que nous on existe à rap, je pense que ça permet de dire aux juges on a 25 ans de travail légaliste derrière, on a tenté tout ce qu'on pouvait faire et on voit les limites. Donc souvent pour ces déboulonneurs, il y a des élus qui viennent expliquer comment se passent les combats légalistes justement. Voilà. Ouais. Et puis comment les lois sont faites et comment elles sont pas faites ou mal faites, et donc ça donne la légitimité aux déboulonneurs de pouvoir agir en désobéissance civile. Si on n'était pas là, ils seraient moins légitimes, enfin je pense, hein, ça c'est mal. Intéressant. Ouais, tu le ressens comme ça toi, Élise? Pareil, moi je ressens aussi une complémentarité. Et c'est aussi pour ça que... Enfin, une complémentarité. Et après, moi, j'ai choisi la désobéissance civile parce que je me rendais compte que les actions légalistes, elles ont comme atout et avantage de pouvoir concerner des personnes aussi qui ne veulent pas prendre de risques. Parce que c'est des actions, par exemple, de recouvrement avec des affiches d'écran. Donc là, il n'y a pas, pas de dégradation, c'est pas illégal. Donc ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir y participer. Donc après, la désobéissance civile, là, on franchit un cap parce qu'il y a une prise de risque. Donc c'est une action illégale, voilà, mais qui pour nous est légitime. Et en fait, c'est je me perds un peu, mais c'est en recourant à des actions comme ça illégales qu'on va vraiment plus alerter à la fois les passants et à la fois la justice, les journalistes et tout le monde, quoi. Enfin, c'est en sortant un petit peu aussi du rang qu'on peut mieux faire passer le message. Et comme tu passais de passage à l'acte, moi, au début, je venais un petit peu comme ça en sympathisante aux actions des boulonneurs. Et ce qui m'a vraiment donné envie de prendre l'aérosol et moi aussi de passer à l'acte, parce que nos actions consistent à écrire directement un message symbolique ou humoristique sur les panneaux publicitaires ou les écrans. C'est donc une action où j'étais comme ça sympathisante. Et là, il y a un groupe de jeunes 18-20 ans qui passent. Ils étaient choqués de voir des gens écrire sur les pubs. Okay. Mais un choc, comme si on s'attaquait à une œuvre, je sais pas, de Léonard de Vinci ou de n'importe quel artiste. Et là, je me suis dit, mais maintenant, en fait, pour ces jeunes-là, la pub est normale. Enfin, elle est intouchable. Je comprends. Et je me suis dit, mais en fait, il faut encore plus qu'on la touche pour en fait la détrôner, tu vois, la déboulonner, comme on dit nous symboliquement, de son piédestal. Et voilà, et pour moi, il y a vraiment un enjeu de passage à l'action de cette manière. C'est quoi les messages, par exemple? Alors, c'est quoi ton préféré, toi, par exemple? Moi, c'est la pub Polluno Rêve. Ok. Et attention à la pub en descendant du train. Ça, j'achète. C'est vraiment super, c'est un super tube, enfin, ça marche vraiment bien, c'est tout le temps repris par la presse. Moi je suis assez jaloux parce que j'écris toujours « liberté de réception » et okay, ça c'est, on viendra là-dessus c'est, après. C'est moins sexy, je sais pas. C'est-à-dire un truc que c'est un peu inaudible, on va en parler justement pour expliquer. Moi je suis pas un bon publicitaire. Voilà, c'est ça, alors, en fait il faut trouver des bons messages publicitaires pour aller contre le publicitaire, c'est un peu le... Et après, si je peux juste rebondir très rapidement sur ton anecdote des jeunes de 18 ans qui étaient choqués de voir la pub... tagué. Ouais. Quand moi je faisais les actions en 2003-2004, quand j'étais encore de l'autre côté, y avait beaucoup de gens qui disaient « mais vous nous imposez vos messages ». Génial. Et ils se rendaient pas compte que les messages qu'on leur imposait, on les imposait sur un message qui était déjà imposé. Et une fois, de temps en temps, on a fait quatre actions, enfin il y a eu quatre actions de masse comme ça, donc sur 3 ou 4 mois. Donc une fois par mois, ils avaient un message différent qui était là et ça les perturbait d'avoir des messages qui n'étaient pas officiels. Donc, c'est ça. Et je trouve ça assez intéressant de voir ce petit hiatus, entre guillemets, où on arrive à... Enfin, ces gens-là arrivent à dénoncer le fait qu'on leur impose des messages quand ils sont militants et qu'ils ne sont pas autorisés, entre guillemets. Mais par contre, ça ne les dérange absolument pas d'avoir les 2000 messages publicitaire qu'on a tous les jours. Ouais. Mais ça, je pense que, bon, moi, de toute façon, de manière générale, le mot de légitimité est sorti énormément dans ce qu'on vient de dire là. Et c'est vrai que moi, c'est une question que j'ai plus générale sur l'action, que ça soit du sabotage, du tag, de la dégradation, tout ça. La question de la légitimité, elle est très complexe, je trouve. Parce que moi, quand je vous écoute, à mes yeux, vous êtes clairement légitime. C'est une évidence que vous êtes légitime et que votre action, elle est légitime. Mais si on est quatre à penser que c'est légitime, d'où on tire notre légitimité? Je trouve que c'est un vrai truc compliqué. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées, vous? Alors pour quand même nuancer un peu, parce que là, du fait de la conversation, ça nous a amené à parler de cette opposition. Ouais. Mais par contre, concrètement, je n'ai jamais entendu autour de moi, par quelqu'un que je connais directement... un reproche sur les actions que je fais. Au contraire, on m'a toujours encouragé. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'était juste pour recadrer un petit peu sur le fait qu'il y a quand même énormément de gens dans la population qui aiment les anti-pubs. C'est pas forcément, alors sur le passage à l'acte, parce que c'est un petit peu le sujet central, il y en a très peu. Ça, c'est vrai, alors qu'on est énormément soutenu autour de nous. Donc, il y a, j'imagine, une partie de la population contre, une partie de la population pour. C'était quoi déjà là où tu... Non, mais c'était savoir si vous étiez posé la question de la légitimité. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, j'ai envie de le faire. Oui, je pense que c'est juste de le faire. C'est évident que les gens qui sont en face m'imposent 46 messages par seconde. Si j'en fais un message tous les 6 mois, oui, ça va. Enfin, le rapport de force, mais en même temps, qui suis-je pour décider que c'est légitime? Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué, quoi. Bon, c'est très fin comme... Je vais parler de deux, trois choses. Le premier, c'est il y a un sondage qui a été fait entre 2004 et 2014. 2014 ou à peu près, chaque année, ils refaisaient le même sondage qui s'appelle Publicité et Société. C'est fait par l'agence TNS, par l'Institut de sondage TNS, et commandité par une agence de publicité qui s'appelle Australie. Et il y a des items qui revenaient chaque année, et notamment, est-ce que la publicité est dangereuse, est-ce qu'elle est envahissante, est-ce qu'il y en a trop. Sur les derniers, il y avait 80% de gens qui disaient qu'il y en avait trop, 75% qui disaient plus de 50% qui disaient qu'elle était dangereuse, et 75% qui disaient qu'elle était envahissante. Okay. Donc, même quand c'est un sondage qui est fait la publicité, par le monde de la publicité, qui devrait donc, on pourrait se dire, c'est un peu biaisé parce que le commanditaire biaise toujours un peu les questions. Enfin, c'est toujours ce qu'on peut penser des sondages. Là, en l'occurrence, c'est un sondage qui donne clairement une légitimité, je trouve, au mouvement anti-pub. Après, il y a des concertations de temps en temps quand il y a des lois qui sont faites. Donc c'est le pouvoir public qui dit on voudrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? La dernière au niveau national qu'il y a eu, c'était sur le Grenelle de l'environnement. Faut savoir que sur ce genre de concertation publique, il y a une quarantaine de personnes qui répondent généralement, parce que ces concertations publiques sont peu mobilisatrices. D'accord. Là sur le Grenelle, il y a plus de 7000 personnes, quasiment 8000 qui ont répondu. Et à 80% qui répondaient sur des revendications qui étaient les nôtres, à savoir on veut plus de restrictions. Donc ça montre encore un peu. Une autre consultation qui a eu lieu, c'était la RATP qui a proposé de faire une boîte à idées. Donc elle proposait aux gens d'apporter des idées pour embellir le métro, pour qu'il soit mieux, pour qu'il y ait des meilleurs services. La première idée est celle qui a été le plus aimée. Et la deuxième, et je commence par la première, qui a reçu 7000 likes, c'était interdire les écrans. La deuxième, c'était 1200 likes, c'était interdire toute la publicité dans le métro. Okay. Et la troisième n'avait rien à voir. Enfin, c'était plus, et il y avait, genre, je crois, 600 ou 700 personnes qui ont liké. Donc on voit que ce sujet-là, quand on pose la question aux gens, on trouve énormément de gens pour répondre plutôt dans notre sens que dans celui des publicitaires. Oui, non, mais ça, moi je suis assez serein là-dessus, quoi. Mais je disais, c'est au niveau, tu vois, de toi à un moment choisir. Oui, tu voulais dire, pardon. Ouais, ben non, mais pour compléter là sur la question de la légitimité, à agir, enfin en tout cas en désobéissance civile, c'est quand même un investissement, un engagement. Et c'est pas un geste qu'on fait comme ça un matin, on peut faire un matin en se levant, mais il y a quand même voilà, toute une réflexion, tout ça. Et du coup, voilà, on a quand même tous réfléchi à la question avant d'agir. Et c'est légitime aussi dans la mesure où, par exemple, nous, les déboulonneurs, là à Paris, on va être 7 à passer en procès. Mais en fait, derrière, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a énormément de sympathisants, de soutien. Tu l'as montré à travers les concertations et les sondages, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs, de médecins, d'économistes, de politiques qui montrent que la publicité est un danger pour notre société, un danger au niveau écologique, au niveau de la santé, au niveau de la démocratie. Et ça aussi, ça renforce le caractère légitime d'une action qui vise en fait à limiter cette publicité qui est vraiment un danger, un danger public. Enfin, ça fait un peu peur quand on dit que ça. Non, mais je pense qu'il faut... Moi, j'aimerais bien qu'on vienne là-dessus, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous semble le plus problématique, soit dans l'espace qu'utilise la pub, soit dans le message qu'utilise la pub. Enfin, qu'est-ce qui vous semble le plus problématique, en fait, sur la place de la publicité dans notre société aujourd'hui ? Oui, je veux bien répondre à cette question parce qu'elle est très intéressante. Dernier petit point sur la question précédente sur la légitimité, il faut quand même savoir que depuis 15 ans, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé, qui est qu'on a eu des victoires en justice, des grosses victoires en justice. Donc aussi, on a une légitimité légitime, quoi, confirmée par la justice, même en appel. Donc on est, voilà, on se sent complètement légitime, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, sur la problématique, alors là, c'est tellement varié que justement, nous, chez Des Boulonneurs, on a un peu le parti d'éviter de pointer tel ou tel sujet, d'éviter de dire on va aller barbouiller telle affiche parce qu'elle est sexiste ou telle affiche parce qu'elle est grossophobe ou parce qu'elle incite à la pollution. On essaie d'éviter ça parce que du point de vue des Boulonneurs, c'est le support lui-même. Et c'est l'aspect antidémocratique et anti-liberté de réception, c'est pour ça que j'aime ce slogan, qui nous fédère, disons, chez les Déboulonneurs. Ça ne veut pas dire que les sujets pris individuellement ne posent pas de problème. Okay. Et c'est intéressant parce que ça rejoint, je suis désolé, peut-être que tout le monde ramène toujours tout aux gilets jaunes en ce moment, mais ça le rejoint parce que les gilets jaunes partent d'un problème qui est tout bête, qui est la taxe carbone et son injustice formelle. Et en fait, on arrive maintenant à ce que les Gilets jaunes parlent de la démocratie. Et donc, c'est le cadre qui, finalement, fédère les gens. C'est le problème de cadre qui s'impose. Thomas, tu voulais réagir ? Ah, ce que j'aime bien dans la publicité, c'est que justement, on peut aborder quasiment tous les problèmes de la société. La surconsommation, le fait que les ressources soient exploitées à l'autre bout du monde et qu'on nous les vende ici comme un monde d'abondance alors qu'on sait très bien qu'on a des ressources limitées, tout ça on peut le dénoncer dans le mouvement. Sur le sexisme, on peut vraiment travailler, il y a de quoi faire. Sur la grossophobie et sur le fait qu'on nous mette des mannequins qui sont toujours les mêmes. On a vraiment des tas d'angles d'attaque de la publicité pour la dénoncer. Et alors effectivement, après, quand on parle effectivement de qui a la parole publique, notamment là aujourd'hui, on sait que quand on va dans l'espace public, 90% des messages au doigt mouillé vont être des messages de multinationales qui nous abreuvent de produits qui sont généralement mauvais, soit pour l'environnement, soit pour la santé, soit les deux en même temps. Alors qu'il y a d'autres messages qui pourraient être légitimes. Alors nous on n'est pas contre la liberté d'expression, vraiment loin de là, mais par contre il faudrait que... Enfin, nous, quand on pense liberté d'expression, on pense plutôt liberté des idées, des opinions. Aujourd'hui, on a plutôt la liberté du prix du poulet. Et donc ça nous pose quand même un problème, parce que d'une part, le poulet, c'est pas forcément bon pour l'environnement, et qu'en plus, le poulet qu'on nous vend sur les panneaux est généralement produit dans des conditions qui sont assez médiocres. Ok, donc là, moi, ce que je retiens, c'est plutôt le phagocytage de l'espace public sur en fait 95% des messages qui sont émis dans l'espace public le sont par 10 personnes. Quoi. Alors c'est plutôt 500 entreprises qui ont 80% des dépenses publicitaires, si on veut les chiffres plus précis. Et ensuite, un dernier point, parce que je n'ai pas tous les abordés, mais qui me tient quand même beaucoup à cœur, c'est sur l'indépendance de la presse. Aujourd'hui, on parle souvent beaucoup des 10 milliardaires qui possèdent 95% des médias. On oublie souvent quand même qu'il y a énormément de médias qui sont financés exclusivement par la publicité, voire pas forcément exclusivement, mais beaucoup. Et que quand on fait un article qui déplaît à un annonceur, l'annonceur, il y a toujours la possibilité de retirer les budgets. Et c'est tellement intégré chez la plupart des journalistes et dans la plupart des rédactions qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer à l'épée de Damoclès de retirer les budgets, puisque le journaliste ne va même pas essayer d'enquêter sur le sujet, puisqu'il sait ou elle sait que l'annonceur est derrière et qui va peut-être retirer du budget. Et retirer des budgets publicitaires, ça veut dire licencier des gens, très concrètement. Donc je ne suis pas en train de condamner les journalistes qui procèdent à cette autocensure, mais elle est là. Et moi, elle me paraît très importante à aborder quand même quand on parle, parce que la surconsommation, certes, mais la démocratie aussi. La démocratie, quoi, voilà. Bien sûr. Héloïse, tu voulais dire un truc ? Non, je te vois noter des choses, mais... Je peux rajouter sur les motivations. Alors, parce que donc les Déboulonneurs, donc on agit dans l'espace public. Et moi, j'avais pas mal cogité sur l'espace public, un espace commun. Et en fait, je trouve ça quand même vraiment regrettable. Moi, ça m'attriste que en fait, dans cet espace, on ne soit plus que des consommateurs, alors qu'à la base, c'est un espace de citoyens, d'usagers de l'espace public. Là, on en a réduit un état de consommateurs. Ces publicités nous donnent un prêt-à-penser. Donc, c'est aussi un problème en termes de démocratie, c'est-à-dire qu'on n'arrive à plus avoir confiance en ce qu'on doit penser, en ce qu'on doit faire, etc. Pareil, au niveau des normes, c'est vraiment que des messages. Enfin, la publicité nous diffuse ses propres normes sur comment il faut être. et ce qu'il faut avoir pour exister socialement. Et la plupart du temps, c'est au détriment de... Enfin, ça va être des normes et des comportements à risque, d'individualisme, de compétition, de culte d'une certaine forme de corps. Et tout ça au détriment de... Enfin, je trouve d'autres normes et grands principes qui permettent de faire vraiment une société juste, équitable. Donc, c'est au détriment du partage, de la solidarité, de la pluralité, de la différence... Donc voilà, il y a ces aspects-là qui me tiennent à cœur, en plus de tout ce qu'on a vu là, le grand cycle exploitation, production et endettement aussi. Parce que je me souviens avoir vu une fois une publicité pour un produit qu'il fallait absolument avoir et juste à côté une publicité pour un prêt. Donc jusqu'au bout, on veut, nous amener. Donc c'est des injonctions perpétuelles pour... Voilà, pour nous manipuler. Et là, avec les écrans publicitaires, ça va être encore pire, puisque c'est des dispositifs qui sont lumineux, qui sont encore plus intrusifs, agressifs, avec des messages grandeur nature. Et donc ça pose aussi un problème aux enfants, enfin, en ce qui concerne les enfants, parce qu'on a du grandeur nature qui peut passer pour du réel. Les enfants n'ont pas la capacité de faire l'indistinction encore entre une grande image comme ça publicitaire et le réel. Enfin, ils sont pas encore armés. Maintenant il faut s'armer pour sortir dans l'espace public, quoi. Ouais, carrément. Ouais, mais voilà. C'est ça qui est terrible. Voilà. Et puis ces écrans là sont encore plus, au niveau écologique c'est un désastre, quoi. C'est des matériaux ouais, de fou. Ouais, c'est terrible, l'énergie et tout. Moi, voilà. C'est vrai que je trouve que l'écran et encore pire parce qu'en plus il sollicite quelque chose d'instinctif chez l'homme et la femme, enfin chez l'être humain, c'est-à-dire quand ça bouge, notre œil est attiré, quoi. Et donc là, clairement, même si on n'a pas envie de regarder la pub, c'est un combat de chaque instant de dire à nos yeux, ne va pas voir, ne va pas voir, ne va pas voir. Et c'est insupportable. En fait, c'est pas possible. Hein. C'est des neurologues qui étudient la question et qui expliquent que, en fait, ça fait appel à notre cerveau vraiment ancestral, en fait, hein, quand on était des proies et des prédateurs. Et le mouvement, enfin, l'œil analyse différemment le mouvement que les choses qui sont immobiles. Ouais. Tout simplement parce que le mouvement égale soit une proie, soit un prédateur. Donc, c'est égal à du danger. Si on veut faire l'expérience, on essaie de traverser la rue sans regarder. S'il y a une voiture qui déboule, c'est pas forcément le bruit qui va nous attirer, c'est la vitesse. Donc c'est exactement ce truc-là, et en fait ça crée du stress. Le stress, on le sait, c'est bon pour la consommation, donc c'est très bien pour les publicitaires, mais pour nous, cette surcharge cognitive, c'est le terme qu'ils utilisent les neurologues, c'est vraiment problématique en fait. Dans le monde aujourd'hui où on est sollicité de vraiment partout, que ce soit sur nos écrans qu'on a personnellement, mais en plus dans la rue, on en rajoute et on les banalise en fait. Hein, c'est vraiment ça. Je suis d'accord. On va faire une petite pause musicale. Bon, il y a plein de choix différents. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le dessert. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. M'essayer, c'est ma teinté. Je suis un génie sans bouillir, la jouvence de vos sourires. Je roule et roucloule pour vous. Je suis le cactus de Pompidou. Je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches, celui de vos jours les plus beaux. L'échelle que j'aime, c'est l'escabeau. J'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. Mais si c'est ma tenté. J'ai du velours sur l'estomac et une peau nette comme le satin. Je suis le modèle conformant. Venez donc voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret, de ne pas être universel à l'école des demoiselles. Oh. pauvre publicité, de m'essayer, c'est ma tenté. Pour longtemps, je vous garantis, l'extrême puceur de mes mains, me sont dans la bouche, pas dans la main. Je suis le Dutron désigné. Je suis le Dutron désigné. Je suis le Dutron désigné. Donc c'était notre ami Jacques Dutronc, bien sûr, la publicité. Oui, donc on réfléchissait quand même à comment s'extraire de cette pub, parce que bon, donc les écrans, on a compris que ça allait être compliqué, à part à marcher avec des œillères, mais déjà quoi, c'est l'impression qu'on peut avoir, on va essayer de ne pas avoir trop d'œillères. Des pistes, je sais que Thomas, vous avez lancé une campagne à rap. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on combat les écrans. Là, on a profité un petit peu des révisions des ce qu'on appelle les règlements locaux de publicité qui se font un peu partout en France pour essayer de pousser l'interdiction des écrans dans les rues. Okay. C'est très difficile parce que en face les afficheurs ont des arguments tout faits qui sont sur des mauvaises bases mais qui fonctionnent bien et surtout des élus qui sont convaincus que le numérique c'est bien pour eux. Typiquement l'argument qui marche bien chez eux c'est que ça permet de mettre des hashtags en cas d'attentat. C'est véridique. Wow. Hein, ouais, on en est là. Oui, tu me regardes avec des gros yeux, mais c'est en gros. C'est quand même le niveau zéro de la réflexion. Pour te la faire courte, élu, quoi. Ouais. À Mulhouse, ils ont déjà des écrans. Ouais. Et à Strasbourg, non. Quand il y a eu les attentats en décembre, là, ouais. Mulhouse s'est vanté d'avoir mis un hashtag sur ses écrans avant Strasbourg. Donc voilà, on en est un petit peu là. Donc effectivement, les élus ne nous aident pas tous et toutes. Donc on a besoin d'un rapport de force. Donc effectivement, là nous à RAP, on est 600, presque 700 adhérents sur toute la France. Moi ça me paraît extrêmement peu vu qu'on est tous et toutes bombardés tous les jours quotidiennement de messages publicitaires et que ça nous touche et nous affecte tous. Donc effectivement, si on était 2000, 3000, 10 000, on aurait peut-être beaucoup plus de poids au niveau des élus et ils pourraient peut-être un peu moins écouter les afficheurs et un peu plus nous. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'adhérer, ne serait-ce que symboliquement, parce que nous, on autorise aussi l'adhésion à 0 euro. Mais si vous avez de l'argent, on n'a rien contre. sinon, on fait des réunions mensuelles au local de l'association, donc tous les premiers jeudis du mois. Vous pouvez venir aux 24 heures rue de la Chine à partir de 19h et on fait des réunions pour voir comment est-ce qu'on agit chaque mois, tous les mois. On prévoit des actions où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses. Et sinon, on fait des actions régulières. Et là, on en a une qui va s'organiser le 25 mars, qu'on a instituée comme la journée mondiale de la lutte contre la publicité. Je laisserai des boulonneurs le soin d'expliquer pourquoi cette date. Et donc là, le 25 mars, on va faire une action. On est encore en train de la préparer. Donc si vous voulez venir pour je sais pas la date exacte, mais c'est le premier jeudi de mars. Je crois que ça doit être le 7 mars. Venez au 24 rue de la Chine, dans le 20e, métro Gambetta. Et je fais super bien la publicité. Magnifique. Je suis très fier de moi. C'est génial. Et donc, pourquoi le 25 mars ? Vas-y, Raphaël, je t'en prie. Vas-y. Alors le 25 mars, c'est le jour d'une grande victoire, puisque c'est le jour où des déboulonneurs ont été relaxés. Donc c'est-à-dire que le juge ne les a pas condamnés, le tribunal ne les a pas condamnés suite à une action. Et donc cela, c'était au nom de l'état de nécessité. L'état de nécessité. Merci. Voilà. Et donc le tribunal a reconnu que notre action était nécessaire et qu'elle répondait à un danger. Et il figure aussi dans le jugement que la pub est nocive pour la société. Donc pour nous, c'est vraiment une double victoire. La reconnaissance de notre action et la reconnaissance de la nocivité de la publicité. Et il y a une sorte d'alliance, de réseau international qui s'est monté, qui s'appelle Subvertiser International, qui rassemble des artivistes des quatre coins du monde. Donc il y a Proyecto Squatter en Argentine, il y a Brandalisme Londres, en Grande-Bretagne. Ouais, ça j'avais vu ça. Il y a Vermibus en Allemagne. Il y a Consumé hasta morir en Espagne. Il y a Il y a un artiste, enfin c'est un militant qui est un peu tout seul, mais il est en Australie, il s'appelle Kyle. Oui. Et lui fait des actions de désobéissance civile tout seul. Il est soutenu par personne, mais et il se fait arrêter. Et ça fait 10 ans qu'il fait ça, et il se fait arrêter à chaque fois. Il ne demande même pas le soutien des gens, mais il est avec nous dans Super Sizer International. Voilà. Okay. Et du coup, bah, dans ce grand network, comme on dit, mais réseau d'artistes, de groupes d'action, d'artivistes du monde entier, on va l'idée que le 25 mars, ce soit une journée mondiale de lutte contre la publicité. Et du coup, il se passe des actions aux quatre coins du monde. Et voilà. Et en France, c'est notamment coordonné par Eurap. Mais donc, est-ce que par exemple, il va y avoir spécialement pour cette occasion des affiches qui vont être faites parce que je sais que c'est tous les mardis à Montreuil. Ouais. Donc c'est le mardi à Montreuil et le dimanche à la BAM. Ok. Malakoff. Qui a des ateliers de création d'affiches. Voilà. Alors ça, moi, je ne fais pas partie du groupe Atelier. Ok. Non, mais bon, voilà. Hein. Moi non plus, mais vous pouvez y aller. Donc la bibliothèque associative de Malakoff, c'est, je crois, 19h. Et c'est ouvert aux gens qui veulent, veulent faire des affiches. Et en gros, on peut juste faire des affiches et ne pas les coller ou juste aller les coller quand on a décidé de le faire. Et Montreuil, je connais moins pour le coup. C'est okay. À la parole errante. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en gros, c'est autour du 25 mars. Là, tous les anti-pubs sont invités à agir et généralement, il y a plein d'actions. Donc là, chaque auditeur, auditrice peuvent rejoindre RAP, contacter les déboulonneurs, aller aux ateliers pour avoir des pistes et rejoindre. Ou même faire des actions dans son coin. Voilà. Si on est un peu isolé quelque part et qu'on se dit. Tiens, je vais ne serait-ce que mettre un bloqueur de pub sur son ordinateur le jour même, bah ça peut être intéressant. Ou alors, si on n'aime pas trop les actions, on peut faire des conférences débats, l'organiser dans sa ville, c'est aussi des choses qui sont possibles. En gros, le but, c'est de faire un truc. Ouais, quel qu'il soit. Moyen. Voilà, c'est le moyen qui convient le mieux à la personne qui va décider d'agir. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que le principal, à partir du moment où on sait, on est à peu près sûr qu'il y a quand même une énorme part de la population qui est anti-pub, faut faire savoir et encourager. Donc chaque personne qui fait savoir qu'il fait une action anti-pub, c'est quelque chose qui va faire évoluer les mentalités à ce niveau-là. Et ensuite, alors il y a quelque chose qui est vraiment un coup de bol, c'est que deux jours plus tard, c'est un vrai coup de bol, hein, c'est pas, je mens pas, c'est deux jours plus tard, le 27 mars, nous avons Élise, moi-même et cinq autres des militants des boulonneurs, un procès. Le procès qui devait avoir lieu fin janvier, qui a été repoussé pour une question très bête de procédure, de papier mal envoyé, il a été repoussé à ce 27 mars, donc à 13h30, au tribunal à la cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Attention à ne pas aller à Porte de Clichy, parce que c'est sur l'île de la Cité. On a notre procès pour un barbouillage qu'on avait fait il y a 2 ans. Voilà. Et ce procès qui devait être là il n'y a pas longtemps, il a été repoussé à 2 jours après la journée mondiale de l'anti-pub. Donc c'est quand même magnifique. Ça peut être pas mal. Moi, je pense que c'est un signe qu'on va gagner. Voilà. Enfin, d'accord. Mais surtout que quand on parle du que faire, en fait, nos procès font partie aussi du que faire, puisque c'est un outil aussi... c'est un outil dans la lutte contre les écrans. Et c'est notamment l'occasion d'inviter, par exemple, Thomas, qui a une expertise... de fou sur les écrans à prendre la parole. On invite aussi des militants climat, des chercheurs, etc. à prendre la parole. Et voilà, c'est vraiment un outil pour faire avancer la lutte contre la surpublicité. Oui, parce que moi, ce que j'avais compris qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, l'action de barbouillage, elle est faite pour aller au procès. C'est-à-dire que vous cherchez les forces de police pour dire « Arrêtez-moi, j'ai fait quelque chose d'illégal. » Parce que le but est effectivement d'avoir un projecteur sur l'action. Oui, pas uniquement. C'est le procès, c'est vrai que c'est le, comment dire, l'atout, le média qui est le plus efficace, bah c'est sûr. Après, les actions où on n'a pas de procès, où on a plein de gens de la presse qui sont venus, on est très contents aussi. Hein. Okay. Enfin, voilà, c'est un tout. Ou alors où les actions où il y a beaucoup de monde. On a fait une action... il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a 3-4 ans, avec 100 personnes, avec une fanfare, dans la gare Saint-Lazare. Excellent. Et c'était quand même vraiment magnifique. Ben quoi. Oui, ça, c'est bon, ça. Voilà. De toute façon, les fanfares, c'est toujours bien. Les fanfares dans l'espace public, ça jette, c'est sûr. Tout à l'heure, on a parlé de paysage de France. Je voulais juste expliquer parce que les gens ne connaissent pas forcément. Et moi, je trouve que c'est aussi dans les que faire. Je trouve que c'est une action assez intéressante. Qui veut m'en parler? Oui, tu connais sûrement peut-être. Je peux en parler. En fait, c'est une association qui n'est pas anti-pub. Ouais. Mais par contre, ils ont un combat, c'est sur les panneaux d'affichage. Et ils essayent, et ils y arrivent, à faire respecter la loi. Donc quand ils voient un panneau qui n'est pas réglementaire au niveau du code de l'environnement, ils vont demander au préfet ou au maire de les mettre en conformité. Et si le préfet ou le maire n'agit pas suffisamment rapidement, ils vont au tribunal administratif et ils en sont, je crois, à 70 ou 75 procès gagnés contre l'État. Donc l'État a perdu 75 fois contre Paysage de France. Nous, on fait aussi ce travail de recherche de panneaux illégaux. Par contre, nous, on n'a pas l'agrément environnemental, donc c'est un peu plus compliqué de porter plainte. Mais par contre, si vous avez une question sur « Tiens, il y a mon panneau, il y a le panneau qui est en face de chez moi, je me demande s'il est légal ou pas », vous pouvez aussi bien aller voir Paysage de France pour leur demander, mais à RAP aussi, on a un peu de l'expertise sur ce sujet. Mais ça, par exemple, on va voir où ? C'est-à-dire que les panneaux doivent être déclarés ? Enfin, ça rentre trop dans les détails, mais moi, je voudrais juste comprendre si moi, là, je vois un panneau près de chez moi, comment je sais si ce panneau-là, il est légal ou pas, quoi ? Il faut connaître un tout petit peu la loi. Okay, il y a ce qu'on appelle le code de l'environnement, c'est le code général. Et le code de l'environnement, il donne la possibilité aux villes de pouvoir créer ce qu'on appelle donc les règlements locaux de publicité. Okay. Et les règlements locaux de publicité, normalement, doivent être plus restrictifs que la loi. D'accord. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est ça. Okay. Et donc, il faut déjà, le premier truc à aller voir, c'est si sa ville a un RLP. Et une fois qu'on sait que la ville a un RLP, c'est consulter le RLP. Après, il faut comprendre les différents types de dispositifs. C'est un peu complexe. Hein. Okay, c'est pour ça que Paysage de France est spécialisé là-dedans. Et donc, il vaut mieux faire appel à des... Enfin, si on a un doute ou qu'on veut savoir, il vaut mieux envoyer un courriel soit à Paysage de France, soit à RAP. Où on pourra vous aiguiller plus rapidement pour savoir. Parce qu'ils ont édité une BD, c'est ça, hein, qui raconte c'est un peu. C'est hyper simplifié, mais c'est très bien pour prendre en main un petit peu les différents problèmes qui peuvent se poser, parce que les règles vont être différentes sur un panneau qui est sur un mur que sur un panneau qui est scellé au sol. Oui. Sur un grillage ou sur un messager. Et sur les mobiliers urbains aussi, qui en fait, c'est le plus de publicité qu'on a, c'est sur les mobiliers urbains, donc c'est les abribus. Sur les kiosques à journaux ou sinon les publicités qu'on a sur le trottoir, que moi je préfère appeler les obstacles urbains, parce que généralement ça nous ça nous prend du trottoir pour nous infliger de la pub, et généralement on se rend compte très vite que les mobiliers urbains ont des dérogations parce qu'ils rendent un service. C'est d'ailleurs très malin de la part de JC Deco d'avoir inventé ce système, voilà, le mobilier urbain va avoir un autre régime, et faut pouvoir identifier ce que c'est qu'un mobilier urbain, à la différence d'un panneau publicitaire, parce que les mobiliers urbains ressemblent quand même fortement à un panneau publicitaire. Donc il y a pas mal de technicité derrière, mais faut pas que ça empêche de poser des questions aux associations. Donc on encourage tous les gens qui nous ont écoutés ce soir à aller se renseigner et à rejoindre les mouvements. Moi, il y a un truc qui m'a énormément surpris, parce que je pensais... avoir bien conscience de la puissance et de la présence de la pub. Et c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe à cette puissance mentale où effectivement, si je dis soda, en fait, tout le monde a quelque chose qui lui apparaît instantanément à la tête. Quoi. Et ça, c'est, je trouve, le plus flippant, en fait. C'est-à-dire que même si on a l'impression d'être plein de conscience, de réfléchir à plein de choses, on s'est quand même bien fait niquer. Et pour parler poliment. Et donc, et l'autre truc qui m'a vachement impressionné, c'est l'utilisation des marques dans le langage. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plein de mots que nous n'utilisons plus. Quoi. C'est-à-dire ruban adhésif n'existe pas. L'essuie-tout n'existe pas. Le correcteur blanc n'existe pas. Enfin voilà. Et ça, il y a une liste assez forte. Et ça, je trouve vraiment, c'est la pollution. Et quand ultime. On fait une recherche sur Internet, ouais. Ben, on ne fait pas une recherche sur Internet. Oui. Je vous laisse découvrir ce que vous faites. Et ça, je pense qu'il y en a plein. La liste est immense de présence. Moi, j'avais une autre question, mais bon, je ne sais pas si on a le temps, mais un peu quand même. Est-ce qu'à un moment dans votre parcours, La prise de conscience sur la publicité vous a fait éprouver une forme de solitude parce que vos congénères ne voyaient pas du tout où était le problème. Oui, enfin, la solitude, justement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la solitude d'être tout le temps en face de quelqu'un qui dit « oui, mais moi, ça me fait rien, quoi ». Ah, ok. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une forme d'esprit que je regrette que les autres n'ont pas. Et des fois, on se demande si on n'est pas prétentieux de se dire « est-ce que je m'estime plus intelligent que les autres d'être conscient que la publicité m'atteint alors que l'autre n'est pas conscient ?» Et ça, voilà. Mais justement, ça avance beaucoup. Donc moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent « ah ouais, c'est vrai qu'on est influencé ». Donc de plus en plus. Okay. Moi je suis toujours optimiste par rapport à ça. Très bien. Thomas, Élise. Moi, j'ai généralement quand je dis ce que je fais, parce que je suis payé pour faire ce que je fais, j'ai jamais rencontré, à part dans les réunions ministérielles où je suis face aux afficheurs, de gens qui me disaient c'est vraiment nul ce que tu fais, ça sert à rien, même plutôt au contraire, et je peux côtoyer des gens qui sont très pauvres et des gens qui sont plutôt riches, et ben même les très riches, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème avec la publicité, et ils se disent pas, alors effectivement il y a cette phrase qui revient toujours, moi ça me touche pas, je la regarde pas, ouais. Mais effectivement quand on leur dit mot soda ou pâte à tartiner, ouais. Et qu'on on fait ce test là et puis ils font peut-être que j'étais un peu prétentieux justement, moi je trouve que les gens qui disent que ils sont pas atteints par la publicité sont beaucoup plus prétentieux que les gens qui sont un peu plus entre guillemets humbles, se dire je suis effectivement influencé par mais donc non je me suis jamais senti plus seul que ça Ok, très bien. Toi non plus. Si, comme dans tout militant connaît ses grands moments de solitude et de désarroi. À Noël et en de famille. Désespoir. Oui, non, c'est presque ça. Mais alors moi, les deux trucs en fait qui m'ont mis dans ces situations, c'est des personnes qui trouvent que la pub c'est beau, c'est artistique. Oui. Et il est vrai que l'industrie publicitaire a recours à beaucoup d'artistes. Et d'ailleurs, c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont envie d'être créatifs, etc., et qui se retrouvent à la solde du système publicitaire ou du système dessin animé aussi. J'ai vu ça, avec des injonctions à faire passer tel et tel message. Donc ça, c'est assez triste. Et après, en ce qui concerne la publicité papier, les tracts publicitaires... Des personnes qui disent j'adore regarder les magazines, je vois pas où est le problème et tout. Ou alors il y a d'autres problèmes plus importants comme les gens qui meurent de faim. Sauf qu'en fait la publicité participe aussi à ce système d'appauvrissement, d'inégalité, de modèles basés sur les inégalités, les injustices, l'exploitation. C'est même le principal outil. C'est pas juste que ça y participe, c'est un outil. Tout à fait. Je me rends compte, là, je regarde mes notes, on n'a pas du tout explicité la liberté de réception. Oh. Alors, ça, c'est pas possible, ça. C'est mon grand cheval de bataille. Ouais. Non, mais c'est ce que j'adore. Et c'est la première revendication des déboulonneurs, de rap aussi, en grande partie. Mais voilà, les déboulonneurs, c'est basé là-dessus. On veut la liberté de réception inscrite au même titre que la liberté d'opinion ou d'expression dans la loi, dans la Constitution, dans les droits de l'homme. Mais donc c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est la liberté de recevoir ou pas un message qui normalement est incluse dans la liberté d'expression parce qu'on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un son expression. Sauf que tant qu'il n'y a pas ce terme liberté de réception, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'on va toujours juger légitime le fait de nous imposer un message de fait, quoi. Alors que non, ça devrait alors pas qu'en fait, être. Non. Si je peux compléter, ce qu'on demande beaucoup, ce que demandent les déboulonneurs aussi bien que rap, c'est qu'il y ait une démarche active de la réception du message. Aujourd'hui, on est tous passifs devant la publicité, que ce soit quand on marche dans la rue, quand on reçoit des coups de fil chez nous, quand on reçoit des tracts dans la boîte aux lettres. Et donc, nous, on n'est pas contre la publicité du moment qu'il y a une démarche active et donc un consentement à la réception des messages. Et donc, c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Tu es obligé de mettre un autocollant stop la pub si tu ne veux pas. Tu es obligé de te mettre sur une liste si tu ne veux pas recevoir des coups de fil. Exactement. Enfin, voilà, c'est... Et tu es obligé de ne pas prendre le métro si tu ne veux pas... Donc, ne pas te déplacer. Voilà. Très bien. Oui. Et pour compléter sur la liberté de réception, donc en fait, l'idée, c'est que chacun soit libre de recevoir un message, donc d'aller vers le message qu'il veut recevoir. Je comprends. Et pour ça, ce qu'on demande dans nos revendications bis, Donc en fait, c'est la limitation de la taille des affiches à 50 x 70 cm, qui correspond à la taille des affiches associatives, de spectacles et tout qu'on voit à Paris. Tout à fait. Donc 50 x 70 cm sur des supports de 2 mètres carrés maximum. Okay. Donc limite de la taille, limite de la surface des panneaux, limite du nombre de panneaux aussi. Okay. Voilà. Et l'interdiction des écrans. D'accord. Qui est l'inventeur de ce concept de liberté de réception ? Je crois que c'est venu d'une réunion de déboulonneurs où il y a une personne qui... Yvan Gradis, mais c'est peut-être, mais je trouve ça okay. De l'intelligence collective de réunion qui parfois font... Alors voilà, c'est l'heure, il faut qu'on se quitte, hein. Ça passe toujours trop vite. Merci toujours. Beaucoup d'être venu à l'antenne. Merci. Au mois prochain. Et juste jeudi prochain, il y a un Ripper Café rue Clavel, au centre Clavel. Voilà, comme, c'est en face de chez moi, je voulais prévenir mes voisins. Allez, salut, bonne soirée, portez-vous bien. C'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, construisez vos piscines en fermant toutes nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous.